mère qui nous caresse ou qui nous fait rêver sans veine. Elle n'a de cesse de nous remémorer les moments passés à marcher, à deux tout seul ou à trois, avec le sourire que tu me prenais dans tes bras. À Deauville ou à Dieppe, car pour nous ça faisait moins loin. Un plateau d'huîtres, une bouffée d'air, un dimanche matin, moi je me rappelle. C'était la marée haute, la lune a des effets sur elle et toute la côte. Des journées passées à marcher, mais dans mon cœur à regretter de ne pas les avoir assez savourées. En hiver, dans mon pull en laine, qui me démangeait les bras, ça fait déjà deux heures qu'on s'égèle. Quand est-ce qu'on rentre, papa, de trois galettes dans la poche. Je suis qu'un gosse, mais je suis pas cloche. Sur l'étagère du salon, je complète ma collection. Des souvenirs plein la tête, mais pas vraiment conscient. Et demain, c'est lundi, ça c'est moins marrant, moi je me rappelle. C'était la marée au talus, a des effets sur elle et toute la côte. Des journées passées à marcher, mais dans mon cœur à regretter de ne pas les avoir assez savourés. De toute façon, moi je m'en moque, tout ce que je veux c'est revoir mes potes pas trop préoccupés. Les soucis de mes bien-aimés à 10, 13 ou 16 ans, c'est la chiant, jamais content. Persuadé d'être martyr, c'est à mourir de rire. Ça sert à se rapprocher quand t'es à côté de tes souliers. C'est juste une évasion, un moment un peu moins con, moi je me rappelle. C'était la marée haute, la lune a des effets sur elle et toute la côte. Des journées passées à marcher, et dans mon cœur à regretter de ne pas les avoir assez savourées. J'ai 40 ans et je regrette tout ça. Tous ces petits moments qu'on ne savoure toujours pas. Et même 30 ans après, on sait toujours la trouver. La mer si agitée qui sait toujours nous consoler.